Alors on peut traverser la voie ferrée là. Fermeture des portes. Dixième étage. Ouverture des portes. Salut Gigi, ça va? Bof, t'as entendu tout le boucan la nuit dernière? Eh, c'est vrai, hein, ça y allait cette nuit. Hein. Après, moi, je suis plutôt du bon côté. Mais toi, t'en es en plein milieu, t'entends tout. Et ouais, les motards, les rodéos, les crissements de pneus. Dans le parc, les jeunes passent la nuit à crier avec leurs ballons. Eh ben, on fait avec. Hein. Mais on est quand même bien dans ce quartier, hein, avec tous les commerces, les bus. Je te laisse, je dois chercher la petite à l'école. Rue du Commandant Lenoir actuellement. Les voitures sont au bord des bâtiments. En laissant un espace entre les balcons et les voitures, le café sur la terrasse sera plus agréable. J'entends encore les oiseaux, ce qui me fait bien plaisir. Oh, Doudou, ça s'est bien passé la journée? Oui. Tu sais ce qu'on va faire maintenant? C'est goûter chez Papa Sandrine à la lumière. Allez, on y va. Moi, ce qui me choque, c'est les cages à poules. Vous allez un peu plus loin, des fenêtres rikiki. Pas de balcon, mais comment voulez-vous que les gens y vivent? La lumière. La lumière? Et c'est la frontière, alors il y a des incivilités. Il y a un immeuble immense, mais des fenêtres, mais vous prenez le noir, quoi, si vous habitez là-dedans. C'est déshumanisé. C'est déshumanisé. Non, est-ce que ça vous dérange si on s'approche un peu du feu? On est à la Lure, quartier ouest des Chirolles. Voilà, on est dans mon quartier, hein. Et là, c'est un peu plus ou moins, c'est plus tranquille. Vous avez le voisinage. Il est cosmopolite. I think I prefer this place more than where I was before. On arrive à la viscose. L'ambiance est très calme, voire trop calme. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Cassez-vous! Auparavant, à son apogée, la cité viscose était animée. L'eau était présente dans les rues. En valorisant les espaces creux au milieu des îlots, nous voulons ramener une ambiance conviviale au sein de la cité viscose. Est-ce que vous pouvez nous dire pour vous c'est quoi la densité? La densité, c'est oui, c'est le nombre d'habitants en kilomètres carrés, c'est ça? Okay. Bah, la densité pour moi c'est un effet un peu de masse, il y a beaucoup de choses quoi. Je définirais ça comme ça, je sais pas si c'est. D'accord. Mais pour moi oui, c'est le fait qu'il y ait plein de choses autour et mais c'est le fait d'être entouré de choses un peu hautes qui oppriment un peu peut-être. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a énormément de choses qui bougent. C'est dense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il y a du monde. Si, il y a du monde, mais c'est plaisant, quoi. Enfin, au moins, ça vit.